L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir le pulsar le plus lent jamais observé. Âgé de seulement 2000 ans, cette étoile à neutrons de la classe des magnétars a une période de 24 000 secondes. Le record de lenteur précédent était de 10 secondes. Depuis plusieurs décennies, on sait que le centre de la nébuleuse RCW-103, qui est un résidu de supernova situé à 9000 années-lumière, abrite une étoile à neutrons, un pulsar. Ce pulsar est nommé IE-1613. La période de sa luminosité en rayon X a pourtant intrigué les chercheurs depuis longtemps. La période atteint environ 6h30, ce qui n'a jamais été rencontré, au point que les spécialistes ont souvent douté de la véritable nature de ce qui se trouve au centre de RCW-103. L'étoile à neutrons est-elle bien responsable du rayonnement pulsé observé? Ce pourrait par exemple être un pulsar tournant plus vite, mais lié dans un système binaire avec une autre étoile, ce qui produirait la pulsation observée, mais reflèterait la période orbitale du couple et non pas la période de rotation intrinsèque de l'étoile à neutrons. Mais tout s'est précipité le 22 juin 2016, quand le télescope spatial SWIFT a détecté une courte bouffée de rayonnement X en provenance directe de 1E1613. Cette bouffée retint l'attention des spécialistes car elle montrait de fortes variations très rapides à l'échelle de la milliseconde, très similaire à ce que produisent généralement les magnétars. Les magnétars sont des pulsars qui possèdent un champ magnétique particulièrement intense, des milliers de milliards de fois plus intense que le champ magnétique du Soleil. Ils peuvent produire de violentes éruptions par bouffées, éjectant de très grandes quantités d'énergie. Nanda Rea de l'Université d'Amsterdam et ses collaborateurs ont sauté sur l'occasion pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce résidu de supernova atypique. Ils ont réussi à obtenir du temps d'observation sur les télescopes X, Chandra et New Star pour observer 1E1613. Ils ont également utilisé des données archivées du télescope spatial X européen XMM Newton. Leur conclusion est sans appel, 1E1613 est bien un magnétar. Il devient donc le 30e magnétar connu officiellement. Parallèlement à l'équipe de Nanda Rea, une autre équipe, celle-ci menée par Antonino Dai de l'Institut National d'Astrophysique de Palerme, a suivi l'évolution en rayon X de 1E1613 avec SWIFT, ainsi qu'en visible et en proche infrarouge avec le télescope de 2,20 m de l'ESO à La Silla au Chili. Et ils ont conclu eux aussi que le pulsar en question est un magnétar et que sa période de rotation est très grande. Il tourne très lentement sur lui-même. La solution d'un pulsar dans un système binaire est donc écartée complètement. Mais reste ce mystère de cette rotation très lente, 1000 fois plus faible que ce qui est généralement observé pour ce type d'objet. IE-1613 tourne sur elle-même en 24 000 secondes, soit 6,67 heures exactement. La théorie de la formation des étoiles à neutrons, les pulsars, dans les supernovas, dit qu'elles doivent être en rotation rapide, récupérant l'essentiel du moment cinétique de l'étoile d'origine pour une taille extrêmement réduite de quelques kilomètres seulement. Les pulsars perdent ensuite leur énergie au cours de leur vie, entre guillemets, et ralentissent inéluctablement. Mais IE-1613 n'aurait que 2000 ans, ce qui est très insuffisant pour ralentir autant par des processus classiques. Les chercheurs cherchent donc, oui, des explications à ce phénomène. Le scénario qui semble avoir leur préférence est que les débris de l'étoile explosée seraient retombés vers le pulsar et l'interaction de cette matière dans le gigantesque champ magnétique aurait provoqué un fort ralentissement du magnétar, et constant depuis sa naissance. Pour valider cette idée, les astrophysiciens sont désormais à la recherche de nouveaux spécimens de magnétar très lents. L'article de Nanda Rea et ses collaborateurs s'intitule « Magnetar-like activity from the Central Compact Object in the Supernova Remnant RCW-103 ». Il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 828, en date du 29 août 2016. Quant à l'article de Antonino Dai et ses collaborateurs, lui, il a été accepté pour publication dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sous le titre Evidence for the Magnetar Nature of 1E1613 in RCW-103. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers se contemple indéfiniment, et notamment l'univers des magnétars. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, ainsi que sur iTunes et toujours sur Stitcher aussi. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !